garde toujours l'espoir. L'Algérie, c'est notre mère. Elle est la terre de mon père et ma mère. Et c'est le soleil qui nous éclaire. شي مالو دنيا قراتني بل العديان بانو نصوري سفري كامل نابولي بانو لك وهم يقاري تالياني بابيني بابيني لحقوني داري خويا دلغاشي مالو دنيا قراتني بل العديان بانو دي جي كيز عايش في ألجي وهران ولا ميلانو رزكي ونبوجي العقلية Pacino Algeri w Harran w Milano Rizki w Nbouji l3liya Al Pacino Babene ya khouti babene Babene sahab el DJ Kays Zifou en direct de Skyrock Envoyez vos messages, la famille, ça fait plaisir. Ça défile, ça défile, ça défile. Bonsoir, DJ Kays te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Gros son de Paris, Oran, New York de l'année dernière, la famille. Faites tourner, écoutez ça, montez le son, la famille. C'est DJ Kays, hashtag Rail Suprême. Jezel. Enjaille toi. Je m'évade dans mes pensées, je suis trop préoccupé, je suis comme ça. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Écoute ce son si tu te sens concerné. Écoute ce refrain si ça peut t'apaiser. Yeah, je me concentre dans mes pensées de la vie. Que je m'évade et que je demande. Paris, Oran, New York. Hashtag Rail Suprême, la famille. Envoyez vos messages, ça fait plaisir. On est ensemble. De chance, jamais tire pas sur ma chicha, surtout si t'as les dents. DJ Kays, on sera pas tous les jours, jeune. Toi t'es là, t'es sérieux, mais tu passes une soirée. L'artiste du rail, ma cité a déjà craqué. On move sur du rail avec des gonzes et ça croqué. Si les keufs nous écoutent, faut faites péter le son, la famille. Montez le son, la famille. DJ Kays au platine. Hashtag Rail Suprême. Que du gros son. Numéro 1. Numéro 1. Maroc, Algérie, Tunisie. Aïe. Gros son pour s'ambiancer là. Avant d'aller en boîte de nuit, on monte le son hein. C'est DJ Kays sur Rap Suprême. Et on danse hein. Partout. على شيت ملهي خويا شوف هكا ورا اللعبة ما فيها Gaza, Rabat, partout, partout, partout. Rail suprême. Les Marocains sont bien. Dédicace à Mamster. 2m50. Aïe aïe aïe. DJ Kane, ambiance pour la famille. C'est Rail suprême en direct sur Skyrock. Dédicace à Tyrone P. Tous les mecs au quartier là, montez le son hein. Au Star, partout, partout la famille. Du Nord, au Sud, Bretagne, Marseille, Strasbourg, partout la famille. C'est Rail suprême. Chicha en boîte de nuit. Montez le son la famille, c'est DJ Kaze au platine. Je répète, hashtag Rail suprême. Lella Mariama. Zifou en direct sur Skyrock. famille, hein. Tout le monde bouge les épaules, même dans la voiture. C'est DJ Case au platine. Regarde. Grosse dédicace à Sluggy. Grâce pour Mamster. Envoyez vos photos, la famille, ça fait plaisir, hein. Message, photo, on voit tout, hein. On bouge les épaules, hein. Minuit, une heure, c'est Rail Suprême, c'est par DJ K sur Skyrock. Ça vient de Barbès, hein. DJ K. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1h de mix de folie. Ah, tu m'ambiances Case là, frérot, tu m'ambiances de fou. Envoyez vos messages, hein. Hashtag Rail Suprême, je répète. Hashtag Rail Suprême la famille. Sarah de Strasbourg, on est ensemble la famille. Pour tous mes Marocains, Marocaines, Meknes, Kaza, Rabat, Tanger, tout le monde. Gros classique. Cet été, on se retrouve au Rockman, la famille, partout, hein. L'artiste. J'ai pas la fortune d'un footballeur. Olé, olé. Olé, olé. Olé, olé, damen un peso. Pas un peso. Dédicace au frérot, l'artiste, baby. Viens danser avec moi, je t'attrape. L'asso. Minuit, une heure, minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ Case. L'ami, tu pourrais te perdre en ville. Des fois je me rends compte qu'elle me déçoit. Mais je ken dans le mille. Sans penser au lendemain. Nia Mahlen, elle voudrait que je la marie sous une chapelle. Belle, elle était si jolie. Olé, olé. J'avance, dis-moi y'a quoi. J'avance, dis-moi y'a quoi. J'avance, dis-moi y'a quoi. Rail Suprême. L'Oprado à Sardia. On se retrouve là-bas cet été. En Audi TT. Viens danser avec moi, je t'attrape. Laisse tomber ton fond de teint. Là où je t'amène, y'a pas besoin de pote. Dédicace à Sluggy. Très bon ami à moi. Si tu aimes la gymnastique, je te laisserai monter sur ma poutre. S'aimer, y'a pas besoin de sous. Que les jaloux aillent se faire foutre. Nossa, nossa. Monte avec un lossa. Je ne sers que des appels chance. Pourtant j'ai pas de star. Envoyez vos messages, hein. Nossa, hashtag Rail Suprême. Monte avec un lossa. Lossa, lossa. Olé, olé. Hashtag Rail Suprême. Faut que les messages pètent. Faites péter les messages, la famille. DJ Case, Paris, Oran, New York, le 15 juin dans les bacs. Retenez cette date, le 15 juin. Dimanche soir, DJ Case te mixe tous les sons de Rail Suprême en direct sur Skyrock. Oh, du galvé, les Sagara. For this you don't cross Sagara. For this dance you don't Sagara. We are the Sagara. Bagaros, Bagaros, Bagaros. Tous les danseurs là, c'est pour vous. Faut se lever avant d'aller en boîte ou je sais pas. Si vous allez au Baroque ou au Vendôme. Dédicace à Tyrone P, La Guanzo, Cisco, c'est pour vous hein. Allez on se lève hein. On est sur Rai Suprême. Paris de Oussama. Gros gros buzz hein. C'est la fiesta. Tu réponds. On fait péter. Faites péter les messages la famille. C'est DJ Case. Ils sont tous là. Minuit, une heure. C'est Rai Suprême. Mixé par DJ Case sur Skyrock. Allez danse, allez lève-toi. Vas-y chante. Vas-y chante. Vas-y ose. Tu viens pas. Triple tense. Triple tense. Tous ensemble, on danse au tempo. Maître affiche, oublie tes bimbo. Vas-y viens, aloha, aloha. Vas-y viens, ashwa, ashwa. Pour mes blagues, mes plans, mes beurs. On va danser jusqu'à pas d'heure. Vas-y viens, aloha, aloha. Vas-y viens, ashwa, ashwa. Tout le monde. C'est la fiesta. Tu réponds pas. On s'ambiance. Aïe, aïe, aïe. Merci à vous pour vos messages, la famille, ça fait plaisir. Yalla yalla. Ashta ashta. Ashta ashta. Arda arda. Va à gauche. Va tout droit. Dédicace à tous mes Kabyles. C'est pour vous tous mes Kabyles hein. Tous les Kabyles de toute la France. Le prochain c'est pour vous là hein. Vous êtes là mes Kabyles ou pas? Allez bonsoir tout le monde, tout le monde. Allez c'est comme ça, salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Minuit 1h, minuit 1h, c'est Rai Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. Dédicace à tous mes Algériens de toute la France. On est ensemble ce soir. On s'ambiance ensemble ce soir la famille. Mamma mia. Dédicace aux Guadeloupéens aussi hein. J'en connais, ressemble à des Algériens. Avec DJ Case. Hashtag Rai Suprême. Envoyez vos messages, faites péter les messages. Mamma mia. Mamma mia. Zifou sur Skyrock avec DJ Case. Ce soir on s'ambiance la famille. soit français, malien, sénégalais, allemand, on s'ambiance sur du rebeu ce soir. Mamma mia. Suprême en direct sur Skyrock. One, two, three. Hey, tout le monde. On monte le son, on monte le son, la famille. DJ Case au platine. C'est le feu ce soir. Aussi à Roissy-en-Brie, on est ensemble. Cet été, on se voit au Maroc, en Algérie, en Tunisie, dans le sud de la France. Dédicace aussi à mes Belges. On est très écoutés là-bas, en Belgique. Sur Internet, les Belges, ça se passe sur Internet, la famille. Application Skyrock. هلا متغي سمحوا لي وليدي عندك يا في جديدة جاتني بعيدة ورا الربطة صوفيا كادي خرجت عليا Montez les sons dans les voitures, la famille. C'est Zifou et DJ K sur Skyrock. Du vrai son du bled. Hashtag Rail Suprême. Marrakech, Marrakech. DJ Case au saut très bientôt. Au Solange à Marrakech. On se rejoint tous là-bas, la famille. Retrouvez DJ Case le 16 juin à Marrakech pour un show de dance. Skyrock, Rail Suprême. C'est ce soir. C'est DJ Case, DJ Case. Chicha monte à côté de moi, au calme. Arrête, arrête. Et on sent bien ce soir, c'est pas fini, hein, c'est que le début là. Minuit 1h, minuit 1h, c'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Paris, Oran, New York, le 15 juin dans les bacs. Vous avez rien vu encore. Ça va tourner dans toutes les voitures cet été, hein. Pamplona, Pamplona, ça va te couler, arrête. aïe, gros classique. On a bougé avec ce son cet été. Du swag, Paris, Oran, New York. L'album le plus attendu de cet été, la famille. Des meufs serrés, des gars. Et ça, toute la night. Les soirées rail suprême. Quelquefois ça met soit pour quelques billets de sang. Ça part en gîte. Tout le monde. Et oh, DJ Case. Oulala. Oulala. Oulala. Gros son pour s'ambiancer. Je sais pas si vous allez en boire. Vous allez ce soir. C'est dans les bacs le 15 juin, la famille. Inédit, exclu pour vous sur Rail Suprême. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. DJ Case, Zifou, on est ensemble. Je me sens comme personne, à la fois comme tout le monde. Laisse-moi dans mon délire, j'ai trop loin. Envoyez vos messages, la famille. Faites péter le son. DJ Case, Paris, Oran, New York. C'est le 15 juin dans les bacs. Et c'est le feu. Dites-moi ce que vous pensez en message. On lit tout. C'est pour vous la famille. Exclu inédit sur Rail Suprême. Dans la boîte, dans le VIP, je me sens comme Jeffrey, j'ai des frissons. Tout le monde s'invite. DJ Case, remets-nous du gros son. Je perds mes moyens, je me sens comme un con. Mais j'ai qu'une vie, ma chérie, je te déguis l'addition. C'est chaud, Michael. Je roule comme Lewis et Michael. Je sais ce qu'elles veulent. S'amuser, mais tout ça à l'œil. Je me sens comme un joueur de NBA. Maroc, Algérie, Tunisie, on fait péter ça partout. Laisse-moi dans mon délire pour revenir. Skyrock, Rail Suprême. Exclu. Le soleil gris, je me sens comme Tony et ses millions. J'ai plus de soucis. J'aperçois personne à l'horizon. Ouais, sur ma vie, je me sens comme porté par du Vuitton. J'aime trop cette fille, encore plus quand elle me trouve mignon. C'est chaud, ma gueule, je me sens comme le rêve qu'elle veut. Paris, Oran, New York, tu verras le 15 juin dans les bacs. Laisse-nous monter vers le hell à Nichelle. Passer des vacances juste nickel. Je me pète d'ici, je me sens comme personne. À la fois comme tout le monde. Envoyez vos messages, la famille. Hashtag Rail Suprême. Laisse-moi dans mon délire, DJ Case. Je me sens quand je roule au bord de la mer. Je me sens comme un visionnaire. Quand je me dis que ça va le faire. DJ Case, on se retrouve tous les dimanches soirs, minuit 1h avec Fred pour 1 heure de mix de folie. New York le 15 juin dans les bacs, c'est que le début. T'as rien vu encore. Elle est lourde. Le saut il est lourd. Franchement je valide. Là je valide. J'avais pas écouté mixer mais là je valide. Je l'écoute en même temps que vous la famille. Et franchement c'est du lourd. Faites péter vos messages. Hashtag Rail Suprême. DJ Case Zifou. On est ensemble. Cet été c'est le feu. Dimanche soir, minuit, 1h, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ok. Donc voilà, on vient de découvrir l'exclu paraît en New York avec Zifou. Le titre, c'est Dans mon délire. Ouais. Tu peux me parler de ce titre gros, ou quoi, Zifou? Gros son, franchement, dès que tu m'as envoyé la prod, j'ai accroché direct. Franchement, funk, les prods comme ça, c'est funk, tout ça. Je suis très à l'aise dessus. Donc j'ai posé directement. On a fait un gros son. Et envoyez vos messages, toutes vos réactions. D'ailleurs, on les voit défiler, ouais. Donc ça fait plaisir et c'est que le début. Hein. Ouais, c'est que le début. Et toi, t'as un album, il me semble, qui sort bientôt. Ouais, à la rentrée, Inch'Allah. Là, cet été, on est sur plusieurs compiles. Ok. Des gros sons ambiance pour faire bouger les gens cet été. Et à la rentrée, on arrive avec un album assez costaud. Et t'as une date ou pas encore, là, pour la rentrée? Pas encore de date. On va donner des informations sur mon Facebook, Zifou, et mon Instagram, Zifou officiel, Twitter. Snapchat Zifou avec 4 U. Donc on se tient au courant sur les réseaux sociaux. Lourd, il y a Zifou qui est en train de déguster sa chicha là. Au calme, petite chicha menthe. Ah, toujours la menthe lui hein. Toujours, on change pas. Si vous cherchez Zifou, vous savez où le trouver. Vous savez où le trouver, c'est dans une chicha. Au calme, tranquille. Mais bon, pas tout le temps quand même, tu vois. Ça va. En tout cas, je suis très très content du son Dans mon délire. Ça a fait un gros son frérot et je suis très content. Moi aussi. C'est la première fois qu'on travaille ensemble. Et on a fait un très très gros son que j'aime bien. Je l'ai fait écouter à mon entourage. Et il y a du monde qui ça déchire cet été, on va faire péter ça dans les clubs, dans les summer tours. Paris, Oran, New York, ça va être du lourd. Ça sort le 15 juin, donc restez branchés, ça va déchirer. Ok Zifou, bah vas-y, bon, on va attaquer la dernière demi-heure. On va se retrouver sur Skyrock, Rail Suprême, juste après. Écoutez encore en exclu Kevlar avec le titre Speed, extrait de ma nouvelle compile. J'ai dit Hamida Mix Party dispo le 25 mai. D'ailleurs, la préco iTunes est disponible dès ce soir. Et bon courage à Case et bisous à Zifou. On est là, la famille. Aïe aïe aïe. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. De la grisaille, fini la routine, allez viens qu'on style. Calcule pas l'heure, le jour ou la night. Claque tout ton salaire, vas-y kiffe la life. Prends ton jean pour un short, une paye. Profite de la sieste au soleil sur la playa. Chico play, l'ice cream, sa papaya. Me prends pas la tête, je suis avec tous mes gaves. Posé au calme, casade sur les crânes. La température monte et on jette tout salaud. Chicha sur la table, les pieds sous le sable. Bouge de mon oeil sur le torse et sur le dos. Des barres de rire, des barres de lol. Ce soir on craint, mais c'est sans alcool. Carré VIP et jusqu'à l'op. Encore le refrain, faut qu'on s'en va. J'en ai marre des speed toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Doudou Dubaï, Meknes, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. DJ Hamida, au platine, on vient jusqu'à pas l'heure. J'ai zappé tous mes soucis, le gamo c'est le sorti. À la bien mix party, le style le mec Nessy. Morocco gangs, K-U-V-L-A-R. C'est moi qui rince, paré pour la guerre. Papa paré pour l'ambiance, il dit Hamda nous met ça. Minimum les petits pas de danse, toujours pas fait ça. J'ai à la menthe, fais des bêtes les soirs. Vraiment pas de chance, ça a raté. J'en ai pas d'esprit toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Faire en sorte de tout oublier. Sur ce son, viens, je vais te faire planer. Faire le vide et puis s'évader. Si t'as pas les noms, ne m'en parle pas. Une excuse ne sera valable. Je t'enverrai des dents si ouvrir t'es pas là. On va rater un truc de mal. À la bien mix party 2015. Faut t'ambiancer jusqu'au lendemain. K-E-V-L-A-R et DJ Hamida. En 2015, on te la fait à la bien. À la bien mix party 2015. Faut t'ambiancer jusqu'au lendemain. K-E-V-L-A-R et DJ Hamida. En 2015, on te met au parfum. J'en ai marre d'être plus toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Doudoudoudou, Dubaï, Metlès, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. DJ Hamida. Platine t'ambiance jusqu'à pas l'heure. J'en ai marre d'être speed toute l'année. J'passe prendre du liquide cet été. Dubaï, Metlès, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. DJ Hamida. Platine t'ambiance jusqu'à pas l'heure. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. Minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJK sur Skyrock. On balance que des exclus ce soir. Faites péter les messages. Hashtag Rail Suprême. Ouais, Skyrock, ce soir je suis malade. J'oublie mes soucis. Dans ma tête au quartier, tout se répète, oui, tout va mal. Laissez-moi mentir à mon patron, lui dire que vraiment je suis malade. Je suis malade, mais sur la piste, je me balade. Ouais, je me balade. Je vois des belles filles qui me font chanter comme Khaled. J'ai envie de danser. Ne plus calculer le passé. J'ai envie de l'aimer. Ne plus devoir me cacher. I'm sorry. Si un jour je t'ai blessé. I'm sorry. Mais ce soir t'es mon invité. Moi je suis malade. La folie. On vient de m'apprendre que c'est filmé. Moi je suis malade. Ma chérie. Salam la famille. Hashtag Rail Suprême. Moi je suis malade. Mais ça m'empêche pas de faire la fête. Moi je suis malade. Avec DJ K sur Skyrock. C'est pas de ma faute. Seulement loin je suis malade. C'est pas de ma faute. Non non, c'est pas de ma faute. Envoyez vos messages la famille. Dans la boîte dans laquelle je me sens bien que en famille. Pourquoi tu m'as menti en me disant que samedi soir bah tu te maries. T'es malade, t'as pris mon cœur ma chérie. Je suis dans mon délire là. J'ai envie de danser. Ne plus calculer le passé. J'ai envie de l'aimer. Exclu sur Skyrock, inédit. DJ Case. I'm sorry. Si un jour je t'ai blessé. I'm sorry. Mais ce soir t'es mon invité. Moi je suis malade. La folie monte dans ma tête. Moi je suis malade. Ma chérie vient me rendre. Moi je suis malade. C'est fou. Hashtag Rail Suprême la famille. Je suis malade. C'est pas de ma faute. Seulement moi je suis malade. C'est pas de ma faute. Tant pis à la vôtre. Moi je suis malade. La folie tombe dans ma tête. Moi je suis malade. Ma chérie vient me rendre. Moi je suis malade. Rail Suprême en direct sur Skyrock. Salut la famille, c'est DJ Kay. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Des messages la famille, envoyez vos photos, hashtag Rail Suprême. Tout le monde, Maroc, Algérie, Tunisie, Marseille, Paris, Strasbourg, même la Bretagne, partout la famille. En compagnie du frérot DJ Case, Paris Oran New York, le 15 juin dans les bacs. Montez le son dans la voiture, chez vous, dans votre chambre, partout la famille. Vous êtes là méchant, oui ou pas? Dédicace au poteau Emmerich aussi hein. Ta voix nous en jaille. C'est DJ Case of Latin. On est là pour vous enjailler ce soir. Skyrock, Rail Suprême. C'est DJ Case, DJ Case. Case. dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Ça fait plaisir, on voit tous vos messages. Jay Sean Stashiki with a Louis scarf. Chest cold diamonds make a nigga wanna call. And you buy 20 million on a villain loft. And then I step up in the club and then these other niggas, man, the shit. The way I make the people go and sing the hook in Arabic. Ma table avec DJ Case, en showcase sur n'importe quel beat, je suis imbattable. Fais péter la voix du désert, filon peu herbert de vodka. C'est pour mes Bailey et mes chers Winness Wahran jusqu'à Casablanca. Ramadan, je me barre au bled. 6.3 Sheraton Hotel. Bordel, toute ma horde est hordel. C'est le mariage du cousin vesiné dans le cortège. Port de mer, créature de rêve. Allongé sur le sable, couché de soleil. Nique sa mère, soir j'ai pas sommeil. Mais une fois l'envie de cramer tout mon dossier. On sait, ça y est, tu planes. J'suis pas de la petite bourgeoisie. Moi j'kiffe pas trop le champagne. C'est pour mes rêves qui sortent du bal. De Bruxelles, Metz, Orléans, Lyon, Marseille jusqu'en Espagne. Une seule émission pour du vrai son rebeu, Rail Suprême, mixé par DJ Case sur Skyrock. Je Jaillé ce soir. Paris au Rond New York. N'oubliez pas, c'est le 15 juin dans les bacs. Compile de l'année, compile de l'été. Et oui. Personne n'est parfaite, même qui mise ce maquille. Tout le monde, faites péter le son, la famille. C'est DJ Case of Platine. Paris, Oran, New York. Le 15 juin, je répète, le 15 juin dans les bacs. Que du lourd, que des gros sons. Babene, Babene, Babene. Skyrock, Rail Suprême. On est trop à souffrir, mais ma sœur, le monde est à nous. Je serai là pour te soutenir quand tu te sentiras seul sur ta route. Minuit, une heure, quand les arômes durcis, tout le monde connaît le refrain. Moi j'ai jamais changé, je vois des frères devenir parano. Va bene. Les choses s'arranger de boulot en petit boulot. La galère m'inspire, Reda Taliani, où les rêves tombent à l'eau. Moi j'ai pas fait Saint-Cyr, tous les soirs je regarde la tout le monde la Bene, Yahuchi Babene. Babene, Yahuchi Babene. DJ Kays et Zifou sur Skyrock. J'ai lâché des études, Roya, je voulais faire des thunes. Le dernier de la classe sera premier sur iTunes. Un pied dans le showbiz et puis l'autre sur le bitume. Écrire avec le cœur et laisser quelques plumes. J'ai de la famille dans le sud, j'ai de la famille dans le riff. Qui peut me stopper, pas leur vin de l'on riff. Tu t'es rembourgeoisé, Roya, pourquoi tu te plains? Moi j'ai pas retourné ma veste, Philippe Lain. Algérie, Maroc, Tunisie. J'aurais pas en Floride. Longue épopée de la misère au succès. Partout dans la France. Tu sais toujours qui c'est. 77, 94. Appel d'amis Thomas. 94, 95, 75. On est ensemble. 91 aussi. Algétaliani. Dédicace à tous mes Marseillais et mes Marseillaises. DJ Kays au platine. Maggie Warano. Son Chanel Boy. Faites péter les messages. Hashtag Rail Suprême. Du gros son rebeu. C'est ici que ça se passe et nulle part ailleurs. Zifou DJ Kays sur Skyrock. On fout le hell à ce soir. Ça envoie dur. Je vois PES, fais tourner la manette. Non, si, file pas net. Ne me parle pas de sniffer, ne me parle pas de rever. Au lieu de vivre à la ramasse, je préfère crever. mes frères préfèrent aller faire de la levée que d'aller réviser pour leur plus de que prouver. Pour ceux qui j'tardent du raga sur le Mia, dans ma mette à Rabat jusqu'à Marnia. Je vais bouger le boule de ta sœur pendant que les condés me mettent des coups de ta sœur. Je me la raconte jamais, chez nous y'a pas de ça. Celui qui joue la resta, on le va de ça. On va au charbon tous les jours pour les yébi. T'as cru que t'allais michonner qui, baby? Je suis dans mon délire avec DJ K. On se remet une petite exclue. DJ K mixe tous les sons de Rai Suprême en direct sur Skyrock. Je suis trop loin pour revenir. Je me sens comme personne, à la fois comme tout le monde. Laisse-moi dans mon délire, je suis trop loin pour revenir. Dans la boîte, dans le VIP, je me sens comme Jeffrey, j'ai des frissons. Tout le monde s'invite. DJ exclu du gros son devant cette fille. Je perds mes moyens. C'est sur Paris, Oran, New York, 2015, la famille, le 15 juin. Je te dédie l'addition. C'est chaud ma gueule. C'est chaud ma gueule. C'est Michael. Je sais ce qu'elles veulent. S'amuser, mais tout ça à l'œil, c'est fou. Je me sens comme un joueur de NBA. Je te paye ton billet. Même de quoi t'habiller. Je me sens comme personne, tout le monde. À la fois comme tout le monde. Exclu 2015, délire, DJ Case. Je suis trop loin pour revenir. Je me sens comme personne, à la fois comme tout le monde. Paris, Oran, New York, délire, je suis trop loin pour revenir. C'est le 15 juin dans les bacs. Rai Suprême. Je me sens comme Tony et ses millions. J'ai plus de soucis. J'aperçois personne à l'horizon. Ouais, sur ma vie. Je me sens comme porté par du Vuitton. J'aime trop cette fille. Encore plus quand elle me trouve mignon. C'est chaud ma gueule. Je me sens comme le rêve qu'elle veut. Viens faire un tour. Tu verras qu'on n'est pas tout seul. Laisse-nous monter faire le hell. Hashtag Rai Suprême. C'est des vacances juste Zifu nickel. DJ Case. Paris, Oran, New York. Personne, à la fois comme tout le monde. Laisse-moi dans mon délire. Je suis trop loin pour revenir. Je me sens comme personne, à la fois comme tout le monde. Laisse-moi dans mon délire. Je suis trop loin pour revenir. Je me sens, je me sens, je me sens comme un millionnaire. Quand je roule au bord de la mer, je me sens comme un visionnaire. Quand je me dis que ça va le faire, je me sens comme un millionnaire. La compile de l'année, Paris, Oran, New York, 2015, DJ Case, Zifu, cet été c'est le feu. Si t'as pas cette compile le 15 juin, t'es personne. Monte le son. Je me sens comme personne, à la fois comme tout le monde. Laisse-moi dans mon délire, je suis trop loin pour revenir. Je me sens comme personne, à la fois comme tout le monde. Laisse-moi dans mon délire, je suis trop loin pour revenir. Zifu sur Skyrock, grosse exclu. On l'a mis deux fois tellement il est lourd. Hashtag Rai Suprême la famille. Aïe. On continue, on continue, on continue. Mon copain Rai, Diesel. Paris, Oran, New York. Gros son, mon Kobe Diesel. On continue pour vous la famille, hein. C'est que le début. Mais moi c'est ma cam. Je me contrôle pas sur la piste. Tout le monde est dans son délire. Y'a même des gens chelous. Et je profite jusqu'à la fin. Après j'avoue y'en a qui pensent. Je galère, les gars remix. Mon vous prenez un mois de salaire. Ça cause de boules de balle, ça va me plaire. Laisse les bras vite spike pour un bout de terre. Je file comme une étoile pour me baiser à fond. Chercher la fuck et m'équiper de ma course. Fini l'époque des guerres face aux visio. Au platine y'a Kay, faut faire en chemin en remix. Comme James Brown, j'ai les jambes en feu. Le doigt en l'air, le paquet glisse, c'est DJ Kay. Je suis à déguster, je suis à croquer. Chaud à l'intérieur, abîmons-moi le. Suis-nous sur la piste, c'est ça peut-être des petits pas. Un petit cercle en dessous de la boule à Paris, Oran, New York. Jamais sous tease avec mes yeux de shiny. Je cherche pas la kiffe dans le ghetto, c'est la suite. Mais moi c'est ma cam. Je me contrôle plus sur la vie. Tout le monde est dans son délire. Eh le remix il est lourd. Et je profite jusqu'à validé. Après j'avoue y'en a qui pensent jusqu'au bout d'un an. Parfois t'as pas l'envie de sortir t'amuser. Mais tes bottes te gangrènent. Alors tu te laisses Paris, Oran, New York. C'est dorénavant qu'à la fin t'auras la migraine. Diesel. Donc tu t'emballes pas ambiance calienne. Et oh tu peux même te mettre à lâcher des trucs, pas de salsa. Beaucoup trop de nostalgie, c'est clair, j'ai la fin devant moi. Trop style, trop de classe, c'est la seule classe. J'ai coupé 3 quarts, il est sous le bras. Sinon, je suis avec tout le quartier, ne me saoule pas. Chicha emporté, j'ai la hookah. Demain, je m'arrête pas comme AP et Rimka. DJ Kaze, vas-y, lâche les décibels, on est là, on bouge pas comme le visage à part. Un mix. Faites péter le son, la famille. C'est Zifou et DJ Kaze sur Skyrock. Rail suprême. Que du lourd. Ça va arriver très très lourd, la famille. En attendant sur le pilon, moi j'tire des feutards. Comme au foot, ça décroche dans la surface. Pour les frappes, on surpasse, dans les autres font du surplace. Tu es des surclasses, le roi c'est la qualité. Fais la fête et enterrons nos rivalités. Pas d'hémorroïdes au cul, mais j'ose plus m'asseoir. Sur les caps, j'mets les pleins phares. Bonsoir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême. En direct sur Skyrock. Tu dis ça, je dis rien, avant qu'on traite de mifto. C'est quoi l'ambiance? Soirée gendarme ou costard. Fais pas ta meuf, talon aigu, tu vas te fouler la cheville. Toute la night. Remix. Raimo Kobe, Jezel, Paris Euro New York, 2015. Hashtag Rail Suprême. Ok, bah l'émission est terminée, on a fait une heure, j'espère que ça t'a plu Zifou. Franchement, un super moment, on a passé du son très très très lourd, on a donné des exclus et t'as été super en animateur. Ah, bien remplacé Fred. Ah, qu'est-ce que t'en penses alors? Franchement, tu t'es bien. Je me suis bien défendu, ouais, pour une première. En fait, voilà, pour tous nos auditeurs, auditrices, c'est la première fois que je fais animateur. Même en soirée, je parle même pas. Je mets ça va, que ça s'est bien passé. Je parle avec mes mains. Bon, bah ça va alors, mortel. Et sinon, ton actualité, alors, toi, on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, c'est ça? Ouais, voilà, Twitter, Instagram, Facebook, Snapchat. Le Snapchat, c'est Zifou avec 4 U. Je rajoute tout le monde, vous voyez ma vie. Mortel. Même là, on a snappé aujourd'hui, donc c'était cool. Mortel. Zifou en minuscule pour Facebook. Et pour toutes les dates, contactez-nous sur Facebook, il y a écrit toutes les infos dessus. Et il y a une adresse mail, non, pour les bookings, tout ouais, ça? Ouais, pour les bookings, chicha, boîte de nuit, partout, on va partout. C'est managementzifou@gmail.com, managementzifou@gmail.com. Et Paris Oran New York, le 15 juin. Le 15 juin, lourd. Je voulais le redire, le répéter, c'est du très très très, très lourd, très, très lourd, costaud. Ouais. c'est vraiment mortel. Donc en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir d'être avec toi ce soir. Pour ma part, les dates, je me auto-date. Donc mes dates, alors le mercredi 13 mai, je suis au Monte Cristo à Merlebach, c'est du côté de Metz. Le 15 mai, c'est au Mercato à Villetaneuse dans le 93. Et le 16 mai, à Marrakech, au Sceau. Donc voilà, pour tous les touristes, venez le 16 mai au Sceau à Marrakech. Et j'espère que ça. J'ai vu les tweets là, ça bombardait. Ouais, envoyez vos messages, ça fait plaisir la famille. On a vraiment réaction. On a vraiment kiffé. Et puis moi, j'ai déjà vu Zifou en soirée, donc allez le voir en soirée, ça déchire, il met le feu, c'est un ambianceur de folie. Et voilà, donc on se retrouve la semaine prochaine. Merci à tous nos auditeurs. Et Rail Suprême, Skyrock, c'est dimanche prochain, minuit, 1h. Restez branchés. Et là, on repart avec la playlist de Skyrock. Eh gros, t'es bon. Putain. Eh, hey, qu'est-ce que t'es bon, man. T'as bien aimé Skyrock. Non-stop. Comme d'hab, je sais pas vous, mais moi.